Le prince charmant par Jacques Cézanne. D'un pas alerte, la jeune femme s'achemina vers un sentier qui serpentait à flanc de coteau et qui permettait d'avoir de suite des vues superbes sur les montagnes. Monsieur de Folembray la suivit à distance. Elle était vêtue sans aucune coquetterie et même avec une méconnaissance assez touchante des choses de la mode. Mais elle était souple, fine, gracieuse et possédait, dans la démarche et la tenue, une sorte de distinction native qui valait bien, peut-être, les élégances tirées à 100 000 exemplaires. Quand elle le vit, elle eut un mouvement de surprise effarouchée. Il s'excusa du mieux qu'il put. « Il faut bien que je vienne à vous, madame, » dit-il, « puisque vous n'avez jamais consenti à m'accorder quelques minutes d'entretien, quoique dans un minuscule hôtel comme celui où nous nous trouvons, tout le monde soit intime au bout de 8 jours. » Elle ne répondit pas. Elle regarda M. de Folembray. Dans un visage régulier aux traits un peu accusés, elle avait des yeux noirs superbes, que rendait plus beau encore l'intensité de vie intérieure qu'il révélait. « Pourrais-je vous demander, madame, pourquoi vous semblez fuir nos propos et nos jeux? Après les repas, vous vous en allez au fond du jardin, avec ce livre, toujours ce livre. C'est donc un roman bien attachant ?» C'était l'intelligence de Taine. « Je ne lis guère de romans, monsieur, » répondit-elle. « Ils ne traitent d'ordinaire que des choses de l'amour. Et si l'amour est une fiction, je ne vous cacherai pas qu'il me faut à moi une nourriture plus substantielle. Si l'amour est une réalité, à quoi bon essayer de connaître par les livres ce qui n'est pas fait pour moi? Alors vous voyez, je lis ceci, ou l'éthique, ou encore la critique de la raison pure. » Spinoza, Kant. Monsieur de Folembray la regardait avec étonnement et commisération. Ce qui n'est pas fait pour moi, comme vous avez dit cela. Quel désenchantement! Comment, dans ce beau pays, les maris ne savent pas mieux se faire comprendre et se faire aimer? Ici, monsieur, les maris ont de leur femme une conception qui a le mérite d'être simple et commode. Ce sont elles qui élèvent les enfants et qui vaquent qu'aux soins du ménage. En dehors de ce rôle, elles n'existent pas. Eux s'amusent ailleurs. Quelle différence allez-vous penser avec votre élégante société parisienne où les femmes tiennent une telle place? Il y avait une singulière différence en effet. Monsieur de Folembray n'en revenait pas. Il crut pouvoir demander. Mais parmi les jeunes gens que vous êtes appelés à fréquenter, il n'y en a pas qui soit digne d'inspirer un sentiment à une femme telle que vous? Elle hocha la tête. Non, tous sont rudes, pratiques, positifs. Ils appartiennent à une race solide, qui a peu d'idéal et beaucoup d'appétit. Non, vraiment, je n'ai jamais eu aucune aventure. Mais je n'aurais désiré une que je ne l'aurais pas rencontrée. Il est vrai de dire que toutes les femmes ici ne vous ressemblent guère. La femme est toujours un peu ce que l'homme l'a faite. Ici, confinée dans des besognes ménagères qui constituent leur raison d'être et au-dessus desquelles elles ne s'élèvent pas, elles sont bornées, méchantes, envieuses et médisantes. Mais vous les connaissez aussi bien que moi. Maintenant, car 8 jours vous ont suffi pour faire le tour de ce qu'elles peuvent avoir de pensée. Vous n'avez pas, d'ailleurs, cessé de vous moquer d'elles. « Oh !» fit M. de Folembray, incrédule. « Si finement qu'elles ne vous comprenaient pas toujours, et si gentiment aussi que quand elles comprenaient, elles n'avaient pas le courage de vous en vouloir. Car aucune, chez soi, aucune, sachez-le bien, n'eût accepté d'être traitée de la sorte. Cependant, avec vous, monsieur, tout passe. » Ne leur êtes-vous pas apparu comme ce prince charmant dont nous avons tout rêvé dans notre jeunesse, par des jours d'été semblables à celui-ci, et que nous n'avons jamais vu venir? Alors tout leur pauvre idéal, refoulé au fond d'elle-même par 10, 15 ou 20 ans de vie végétative, est brusquement remonté à la surface de leur âme, et elles se sont toutes mises à vous adorer. De mon fauteuil lointain, dans le jardin de l'hôtel, je suivais parfois vos propos et les leurs, et je me disais que ce n'était peut-être pas pour elle seule que vous faisiez tous ces frais d'exquise ironie. « Elle est très fine, » pensa M. de Folembray. « Et je prenais moi aussi ma part de la fête. La fête sera pour moi, si désormais, madame, vous consentez à ne plus aller si loin dans le jardin. Hélas, monsieur, j'irai plus loin encore. Je pars ce soir même. Et c'est d'ailleurs la certitude de vous quitter si tôt et de ne plus vous revoir. » Car les hasards comme celui qui nous a fait nous rencontrer ne se reproduisent pas 2 fois. C'est cette certitude qui m'a autorisé, à mes propres yeux, à vous accorder cet entretien. Mais en quittant ce joli village blotti au creux des montagnes, je comprendrai ce que peut être, à certains moments de leur vie, pour certaines privilégiées, ce qui s'appelle le bonheur. Elle se leva. « Me permettez-vous, madame, de vous accompagner ?»« Non pas, monsieur. On nous apercevrait ensemble. Nous serions déchirés à belles dents. J'entends que ces minutes n'appartiennent qu'à moi. J'en garderai le souvenir. Adieu, monsieur. » Elle lui tendit sa main, qu'il baisa, puis elle partit. Monsieur de Folembray était excessivement troublé. C'était la première fois qu'il rencontrait une femme qui fut vraiment femme et qui posséda en même temps cette force de l'âme, ce sens avisé de la vie, cette haute culture, ce goût amer de la solitude qui sont plutôt d'ordinaire l'apanage de l'homme. Il se dit « Cette adorable femme n'a connu que des brutes, mais moi, je n'ai connu que des poupées. » Il redescendit à travers bois en se répétant « Des poupées ». Ils exagéraient peut-être tous les deux. C'était « Le prince charmant » par Jacques Cézanne.